Chef. Ah. Témoin. Remets le plan super, gros fast en Uber. Remise, les jeux sont faits, tu perds ou tu perds. Fredon c'est cassé, faut que je ramasse l'anneau. Gros ça va se tasser, ou ça va se tano. Choisis ton camp trimar avant que j'en tarte. Y'a des gens du voyage, y'a des gens du jardin. C'est pas permis de faire à se rappeler sans faire l'IAS. Je suis chez moi ici, j'encule les frères d'IAS. Nous demande pas de changer, on fait feu sans gêne. Facebook ta live, tu t'affiches pour 200 gemmes. La cible en un coup, rafale en deux temps. Laisse la pote à craquer, il fait chaud dedans. L'équipe est coca, concert en Toki. Harry Potter change la coca en Loki. Samedi c'est un frit, et dimanche au front, ramène ta marmite, je lui mets dans le chevron. On verra demain, laisse passer le Mistral. Un pull disco arrête d'une manchette devant le cristal. Je les parfume au gel pro, j'aligne toutes ces bites. Akrapovic, bébé, drive, vaillant, X c'est bon. Gros, je dis ça, je dis rien, mais le silence en dilon. J'ai mon blast tatoué sur la même que pilon. Roulin, Sparmani, on est riche et célèbre. T'as des jeans Armani, j'ai des jeans des ténèbres. Laisse-moi le temps de me faire un biberon. Laisse-moi le temps de me faire un biberon. Laisse-moi le temps de me faire un biberon. Laisse-moi le temps de me faire un biberon. J'avoue, je suis pété. Wesh la tête, sans comment. J'avoue, je suis pété. Wesh la tête, sans comment. J'avoue, je suis pété. Wesh la tête, sans comment. J'avoue, je suis fait, je suis passé chez son comment. Laisse-moi le temps de me faire un biberon. Laisse-moi le temps de me faire un biberon. Laisse-moi le temps de me faire un biberon. Laisse-moi le temps de me faire un biberon. J'avoue, je suis pété. Wesh la tête, sans comment. J'avoue, je suis pété. Wesh la tête, sans comment. J'avoue, je suis pété. Wesh la tête, sans comment. J'avoue, je suis fait, je suis passé chez son comment. Je reste en tant que gris, t'inquiète, j'apporte du rap. Je referme la porte, c'est dur, mon gars, sois mon gars. Sur je remonte la côte du strap. Mais j'assume ces ratures. Mais j'ai pas de pote du rap, t'es qu'une pas pote du rap. Déplace la cage d'armes, recharge de gros chariot. La technique Vanderlei, la coupe à Romario. Je retiens plus les coups, j'ai tout donné pour qu'on signe le contrat d'année. J'ai vidé tout le fourgon. Haraga fait la gage, vient d'une rousse bizarre. FLN, production mentale de ma guisard. Nique le ring de la rue qui n'exauce son carré. Nique les règles, j'mets la garde avec mon ton carré. On est vif, on est plein, on écarte pas sa crame. J'ai la PJ de Versailles sur mon compte Instagram. J'ai la PJ de Versailles sur mon compte Instagram. Laisse-moi le temps de me faire un biberon. Laisse-moi le temps de me faire un biberon. Laisse-moi le temps de me faire un biberon. Laisse-moi le temps de me faire un biberon. J'avoue, je suis pété. Wesh la tête, sans comment. J'avoue, je suis pété. Wesh la tête, sans comment. J'avoue, je suis pété. Wesh la tête, sans comment. J'avoue, je suis prêt, je suis passé chez son comment. Laisse-moi le temps de me faire un biberon. Laisse-moi le temps de me faire un biberon. Laisse-moi le temps de me faire un biberon. Laisse-moi le temps de me faire un biberon. J'avoue, je suis pété. Wesh la tête, sans comment. J'avoue, je suis pété. Wesh la tête, sans comment. J'avoue, je suis pété. Wesh la tête, sans comment. J'avoue, je suis prêt, je suis passé chez son comment.